Quitte ton dos. Quitte maintenant. Au nom de Jésus Nazareth. L'oreille est achevée. Maintenant, quitte ton dos. Tu sens le serpent. Quitte ton dos. Quitte maintenant. Sors. Allez, lâche-la maintenant. Sors. Lâche-la. Sors. Nom de Jésus Nazareth. Tout. Vomis tout. Lâche son dos. Nom de Jésus Nazareth. Lâche son dos maintenant. Tu pars. Quitte ton dos maintenant. Okay. Maintenant, ton règne est fini. Quitte ton dos. Tu sens le serpent. Quitte ton dos maintenant. Quitte ton dos. Vomis toutes ces substances. Ça sort. Toutes les substances. Quitte ton dos. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Sors. Mais oui, continue, frère, continue. Sors maintenant. Ton règne est fini. Ton règne est seul. Sors maintenant. Sors. Ton règne est fini maintenant. Ton règne est achevé. Tu sors au nom de Jésus-Christ. Sors maintenant. Quitte maintenant son corps. Allez. Quitte ton corps maintenant. Nom de Jésus Christ Nazareth. Tu sors de serpent. Terminé. Ton règne est terminé maintenant. Terminé. Tu sors. Quitte maintenant. Nom de Jésus Christ. Sors. Quitte maintenant. Allez, c'est terminé. Le Seigneur juste te veut hors. Sors au nom de Jésus Christ. Quitte ton dos. Allez, quitte terminé. Quitte ton dos. Sors. Quitte ton dos maintenant. Nom de Jésus Christ Nazareth. Quitte ton dos. Allez, lâche-la. Ton règne est terminé dans ce corps. Tu sors de ce nom de Jésus Christ Nazareth. Quitte ton dos maintenant. Lève celle-ci. Celle-ci est libre. Lève-la celle-ci. Quitte ton dos. Non, laisse mon frère. Elle va la lever. Celle-ci. Tu sors de ce corps. Nettoie ses narines. Ton règne est achevé. Tu quittes son corps maintenant. Tu quittes son dos. Nettoie son narine. Tu quittes son dos. Quitte son dos maintenant. Nettoie-la. Sors. Prends sa main, tes deux mains, là, se lève. Sors. Doucement. Elle est fatiguée. Quitte ton dos. Au nom de Jésus-Christ. Faites-la s'asseoir. Il y a une pichesse quelque part là. Quitte ton dos. Elle s'assoit doucement. Ou bien vous la longez au sol quelque part là-bas. Quitte ton dos. Elle repose bien. Faites-la s'asseoir. Quitte ton dos. Elle est fatiguée. Quitte ton dos. Puissance de serpent. Amène-la doucement. Puissant le serpent, quitte ton dos, tu sors maintenant, ton règne est achevé, tu quittes ton dos, tu quittes,

mais tiens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laissez-la se reposer parce qu'elle est vraiment fatiguée. Lève-toi, viens. Ça se passe ici, c'est ta tatami, c'est le rond-point central, c'est là. Là, ça se passe. Viens. J'ai un truc dans la gorge qui marche là. Oui. T'inquiète pas. Il y a les guerriers ici, par devant, par derrière, au nord, au sud, à l'ouest. Bah, tu veux la fuir. Après, je vais me poser des questions. Viens ici. Voilà, non, c'est bon. Moi, je te pose une question, n'est-ce pas? Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront à mon nom. Vous chasserez les démons. C'est vous à moi. Nous, allons-y. Oh, sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Te commande, esprit impur. Sors maintenant d'elle. C'est parti pour 17h, là. Allons-y. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande l'esprit impur, sors d'elle maintenant, il va dans la vie au nom de Jésus de Nazareth. Envoie-le toujours là-bas. Continue. Sors au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur Jésus t'a vaincu à la croix. Vous n'avez aucun pouvoir sur elle. Sors d'elle et va dans la vie au nom de Jésus de Nazareth. Jésus-Christ a vaincu à la croix. Sors et va dans la vie au nom de Jésus. À la croix, vous avez été vaincu. Il vous a expulsé. Sors et va dans la vie au nom de Jésus de Nazareth. Sors et va dans la Bible au nom de Jésus de Nazareth. C'est lui qui nous a vaincu à la croix. Sors et va dans la Bible au nom de Jésus. Elle va tomber. Tu vas consumer maintenant au nom puissant de Jésus. Sors et va dans la Bible au nom de Jésus de Nazareth. Bon, on va prendre un autre entraînement, d'accord? Ça va, repose-toi. Voilà, tu dis Seigneur, remplis-moi. Mets-toi là-bas, on arrive. Vas-y. Ça va aller. Va aller brûler, mais n'avez-vous placé ici là-bas. On prend qui? Toi, tu es vice-serviteur de Dieu, non? Viens. On ne te peut pas. Tiens-toi ici. Ça va bander. Vas-y vite. Tourne-toi. Tends seulement la main. Tends la main. Ça va bander là-dedans. Tends la main seulement. Tends seulement la main. C'est que tu es vice-serviteur de Dieu. Regarde. Ne la touche pas, hein? D'accord? Ne la touche pas. Vous voyez que chaque fois, c'est s'entraîne, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'après, ici à Paris, ça sera grave. Ça, n'est-ce pas? Ne la touche pas, ne la touche pas. Maintenant, ça va. C'est au sol qu'elle parle, maintenant. Au sol. Tends toujours ta main. Tends ta main, c'est toi. Tends seulement la main. Même si tu ne crois pas, tends la main, ça va marcher. Tends. C'est bon. Là, c'est là. Elle va aux toilettes. Ça va. Courage, d'accord. Quitte son corps. Tends seulement la main, Annick. Tends la main. Ne ferme pas les yeux parce qu'il ne faut pas qu'elle te racle. Observe. Tends la main. Maintenant tu quittes cet enfant. Allez, lâche-la maintenant. Lâche-la. Allez, lâche-la. Lâche-la. Ok. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Je ne peux pas. Sors. Sors. Je ne sors pas. Sors.

Non, je suis autour de ça. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la suite de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quoi qu'il y a de quoi faire sport ce dimanche, n'est-ce pas? Voilà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, écoute cette voix. Écoute cette voix. Voilà, c'est pas qui t'a puni là-bas, c'est pour les hommes. Laisse. Laisse. D'accord. C'est toi, tranquille. Viens t'asseoir, c'est comme une princesse. C'est fini, ça. Voilà. Laisse l'ancien caméraman là-bas. Il va taper là-bas. Voilà. Toi, puissance satanique. Amulette de la mort. Amulette de la mort. Au nom de Jésus, de la plante de tes pieds jusqu'à ta tête, je commande. Écoute cette voix. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Continue là-bas, continue, continue mon cher. Il est venu libérer les captifs. Il est venu annoncer la délivrance à ceux qui étaient en prison. Aux prisonniers, la délivrance. Aux prisonniers, la délivrance. Je te commande au nom de Jésus-Christ de lister cette jeune fille maintenant. C'est moi qui l'ai accouché. Mm-hmm. C'est Jésus qui l'a créé. Et Jésus est même ton créateur. Jésus t'a créé. Je ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Tu connais seulement la reine des eaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si on avait du temps pour que j'explique les choses de la délivrance et ces choses-ci comme ça. Vous comprenez qu'en fait, les esprits, même si vous donnent n'importe quoi comme bonheur sur la terre, ils ne vous aiment pas. Parce que la finalité, c'est qu'ils veulent détruire votre être. Et elles aiment vivre comme ça. Elles vivent comme ça dans le luxe, dans l'opulence. Elles peuvent voyager n'importe où, entrer dans n'importe quel milieu, avec la gloire. Mais la fin, c'est la perdition. Sors! Vomis-moi toutes tes substances. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, tape-moi le dos. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus-Christ, tu vomis cela. Tu vomis, continue à t'accouper. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vomis. Vomis-moi cela, sors cela. Sors! Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ai déjà dit que je ne vomis. Vomis-moi cela. Vomis, tapote. Allez, sors la substance. Mettez la main là-bas. Mettez la main là-bas. Sors là. Mettez la main. Ne t'approchez pas. Mettez la main. Je ne sors pas. Tu viens toujours. T'apporter. Sors ces substances, sors ce poison. Sors! Je vais brûler! Sors! Jésus de Nazareth, sors. Nom de Jésus de Nazareth, sors. Nom de Jésus de Nazareth, sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Maintenant, tournez la médaille sur cela. Dès que cette série va sortir, elle sera libre. Sors, moi cela. Aïe. Je t'ai dit que je ne peux pas mourir. Non, des choses pas avec tes cordements de sortir de ce corps. L'enfant, là. On a déjà mangé l'enfant là-haut. Non, des choses pas avec. On l'a mangé. On l'a mangé. On l'a mangé. Aïe. Aïe. Là-bas. Non, des choses pas avec. Non, des choses pas avec. Aïe. Mon frère, je t'ai dit qu'on a déjà mangé l'enfant là. Non, des choses pas avec. On l'a enterré. Il t'en donne les sorties. Ce que tu veux. Il t'en donne les sorties. Oh, le feu. Il t'en donne les sorties. Il t'en donne les sorties. Oh, le feu. Il t'en donne les sorties. Moi, je ne veux pas mourir. Sors. Je ne veux pas mourir. Sors. Donc, je ne veux pas sortir. Sors. Je ne veux pas sortir. Sors. Je ne meurs pas. Aïe. Sors. Oh, mon frère. Nom de Jésus de Nazareth. Dis-moi ce que tu veux, mon frère. Aïe. Aïe. Aïe. Nom de Jésus de Nazareth. Aïe, mon frère. Dis-moi ce que tu veux. Non, de Jésus Nazareth. Aïe, non, de Jésus Nazareth. Aïe. Sors. Frère, dis-moi ce que tu veux. Aïe, oh. Bon, qui est foiré ici? Aïe. Qui veut quelque chose? Aïe, oh. On demande là tout, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Non, Jésus. Nom de Jésus de Nazareth, je te commande de sortir de son corps. Aïe. Moi, je ne veux pas mourir. Suivez bien ce qu'elles sont, d'accord? Aïe. Au nom de Jésus de Nazareth, aïe, je t'ordonne de sortir. Je ne veux pas mourir. Ton poison, tout ton poison dans veux, ton système. Je ne veux pas mourir, oh mon frère. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Aïe. Oh, mon frère, là, aïe. Oh. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Oh, on va sortir. Oh, on va sortir. On va partir. On va partir. On va partir. Nom de Jésus de Nazareth. On va partir. Laisse. Sors. Mon frère, laisse. On va partir. Sors. On va partir. Sors. On va partir. Mon frère, sors. Aïe. Sors. Aïe. Oh. Aïe, mon frère. Aïe. On va partir. Aïe. Nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, oh, tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Nom de Jésus de Nazareth, je t'ordonne au nom de Jésus de Nazareth de sortir d'elle maintenant. Oh, tu vas me tuer. Sors. Tu vas me tuer. Sors. Aïe. Sors. Aïe, mon frère. Sors. Mon frère, je t'ai dit que t'es ma fille. On l'a déjà mangé. On l'a déjà mangé. Nom de Jésus de Nazareth. On l'a déjà mangé. Je fais comment? Comment je fais? Sors. Comment je fais? On a déjà mangé. On a mangé, on a enterré. Je fais comment, mon frère? Nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, je ne peux pas sortir. Sors. Sinon, je vais mourir. Sors! Mon frère, je ne peux pas mourir! Ah! Ah! Yeah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Mon frère, pardon! Mon frère, pardon, aide-moi! Aide-moi, pardon, mon frère! Sors! Mon frère, pardon, aide-moi! Aide-moi! Aide-moi, je ne veux pas mourir! Sors! Mon frère, s'il te plaît, pardon! Aide-moi! Sors! Hé! Hey! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Mon frère, oh! Mon frère, s'il te plaît. Le Seigneur m'a envoyé en France pour elle. Aïe. Aïe, mon frère. Toute celle pour qui tu avais fait de la sorcellerie. Aïe, mon frère. Et tous les esprits acolytes dans tous les corps doivent quitter. Aïe, mon frère, pardon. Sors. Pardon, mon frère. Sors. Pardon. Sors. Je dois tout le sinon je vais devoir tout repartir. Sors. Ah, ouais, je vais sortir. Sors. Je sors. Oh. Sors. Je sors. Oh. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Je sors. Sors. Je sors. Sors. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Sors. Nom de Jésus de Nazareth. Vous m'avez tué. Vous m'avez tué. Vous m'avez tué. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Vous m'avez tué. Vous m'avez tué. Vous m'avez tué. Vous m'avez tué. Sors. Sors. Sors. Je suis mort. Nom de Jésus de Nazareth. Je suis mort. Je suis mort. Nom de Jésus de Nazareth. Mon frère. Nom de Jésus de Nazareth. Mon frère. Sors. Mon frère, pardon. Et sors. Ta mère. Mon frère. Aie pitié de ta mère, mon frère. Tu es mort. Tu t'es aussi battu. Tu t'es battu aussi. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Sors. Qui t'en va? Qui t'en va? Qui t'en va? Qui t'en va? Qui t'en va? Allez, allez, allez. Vomis-moi ça. Vomis-moi ça. Vomis-moi ça, le frère. Nom de Jésus de Nazareth. Allez, vomis ça. Vomis ça. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Le feu est en train de me brûler. Le feu est en train de me brûler. Oh, le feu. Nom de Jésus de Nazareth. Le feu. Nom de Jésus de Nazareth. Le feu est en train de me brûler. Nom de Jésus de Nazareth. Le feu est en train de brûler toute ma maison. Nom de Jésus de Nazareth. Le feu. Nom de Jésus de Nazareth. À cause de Panda, le feu est en train de brûler dans ma maison. Nom de Jésus de Nazareth. Et suivre la route. Regarde, ok. quand ça va finir là-bas, vous allez voir ça s'afficher là-bas. Mm-hmm. Bah, observez, c'est moi la chose. Est enlevez le doigt là, sinon il va s'en aller. Allez, enlevez le doigt. C'est les yeux spirituels qui voient. C'est des hommes marchés. Regardez, ça va s'afficher. Vous avez vu? Non, c'est ce qu'il voit pour nous. C'est toi qui as tout compris.